Leçon 16. 16e leçon. Une journée à l'agence Martin et Dacier. Première partie. Guy arrive à l'agence. Quel malheur de vivre à une époque pareille. Il est impossible de trouver des employés convenables. Presque tous arrivent en retard au bureau. Arrivent toujours à l'heure. Et même en avance. Ce matin, je suis arrivé quelques minutes avant l'heure. J'ai voulu ouvrir mon classeur. Impossible de trouver la clé. Ma secrétaire, Chantal, l'a emportée chez elle, je suppose. Et quel désordre sur son bureau. Sa machine à écrire disparaît sous les papiers. Il y a des crayons et des stylos à billes dessous. Des dossiers dessus. Des paperasses partout.